J'ai le flow de Madiba. Ouais. Arrosé, j'ai le flow de Madiba. C'est pour what? C'est important. J'ai de mots pour rien. Nana, Jada, je suis pas prêt. Je connais le nom, frère. J'ai le flow de Madiba et il kiffe ma bidon. J'suis son bidon. Il chalère contre, ils appellent tous Babylone. Ma vie ne crée pas de tom-tom. J'fais du bruit comme tam-tam. Improbable sur le dom-tom. Donc la faute du bâton, t'es fait bref. Salam alaikum, on kiffe les coups-bas. Le combat comme Bimbo. Oh là, j'suis pas un radin, mais tu manges des radis. J'passe à la radio et toi, tu es radié. Les guélards, la coquille veut me guélant. C'est vrai, j'suis pas gainé, mais j'sais comment les guénis. C'est choquant, c'est chic, comme c'est chic. Quand j'sais craint, gros, c'est quand tu fais chaud. Une ambiance en fichat. Chicha contre chichon, un délire qu'on fichat. Comme tu poches ton, comme du chicken chica. Ce freestyle est magique, mon flow c'est de la pub pour comprendre ton agité. J'ai le flow de Madiba. J'ai le flow de Madiba. J'ai le flow de Madiba. Nigo, nigo, nigo, j'ai le flow de Madiba. J'ai le flow de Madiba. J'ai le flow de Madiba. J'ai le flow de Madiba. Nigo, nigo, nigo, j'ai le flow de Madiba. Les femmes c'est comme le blanco, là pour la correction. Lyrique, c'est érection, rix, c'est trouble dans le rectum. C'est tous des anorexiques, coup de pompe dans la rétine. Ils mangent les pièces et nous on garde le rectum. C'est le spell dans nos cellos, donc tout le monde Marcelo. En printemps, mais pense-moi, la police veut me sceller. C'est comme Marcelo, me choper c'est long. Quand tu coules l'ego un peu comme Marcelo. Maintenant tout le monde m'appelle. Après coup de boule, manchette, la concuse, grosse terne. Là dans le rap, moi je m'investis. Avec aucune gestue et pour mailler ma majesté. J'ai le flow de Madiba. J'ai le flow de Madiba. J'ai le flow de Madiba. Nigo, nigo, nigo, j'ai le flow de Madiba. J'ai le flow de Madiba. J'ai le flow de Madiba. J'ai le flow de Madiba. Nigo, nigo, nigo, j'ai le flow de Madiba. J'ai le flow de Madiba. J'ai le flow de Madiba. Nigo, nigo, nigo, j'ai le flow de Madiba.